Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Effectivement, ce qui retient l'attention, c'est les propos de Marcel Maltais, le président de la Ligue de hockey junior régional et midget régional, qui sur les ondes de danradiosport.com hier a mentionné qu'il blâmait le hockey mineur de Dolboom-Sisny pour dû au fait que les castors midget ne seront pas de retour l'an prochain. On va écouter là-dessus le président de la Ligue, Marcel Maltais. Quand est-ce qu'ils ont nommé leur criminel de Dolbo à nommer un instructeur en place dans il en trouvait, il en trouvait pas. Mais moi, je te parle du mois de mai, du mois de juin. Ouais, mais, c'est toujours facile à dire. Oui, mais tu sais, le monde, quand il n'y a pas d'instructeur, il n'y a pas d'organisation qui est là, on dit, on essaie de rejoindre quelqu'un où il n'est pas capable. Ben, ça fait ça. Gore à la base, l'équipe, la famille, ils ont eu des bénévoles, ils sont prêts à terre, ils sont prêts à main, ils sont là, ils sont tout prêts à faire. Je pense que c'est. Ça commence là. Mais là. Regarde, t'as 5 000 $ de le beau. Parce que l'année passée, de le beau, ils sont venus prêts à sortir Saint-Félicien, en Syrie. Mais c'est une très bonne équipe. Puis une équipe ne peut pas partir de très bon pour passer à bon nez, là. Non, t'as 5 vétérans qui ne se rapportent pas, là. La dernière, si t'as enquêté comme il faut, là, tu sais, là, c'est toute la même affaire. Durant l'été, les jeunes, on te cœur, on veut plus. Mais il faut que tu le mettes des gens pour le flatter le dos, qui reviennent au hockey, qui se maintiennent. C'était là qu'est l'affaire. C'est pas un manque de voix, là. Parce qu'il y avait 5 000 $ qui s'avaient rapporté. Puis imagine-toi une équipe de 5 vétérans qui se rapportent pas. Mais Marcel, tu mets dans le deuxième temps, Marcel Maltais explique les raisons, comment se fait-il que la Ligue ne s'est pas mêlée du dossier. Mais vous autres, vous ne l'avez pas vu venir non plus, c'est moi qui te l'ai qui te l'a dit. Ben, oui, mais nous autres, Manon était supposé de revenir, l'organisateur disait que ça ne coupe. Si on avait eu pris la main, nous autres, on aurait délégué quelqu'un directement. Mais au mois de mai, juin, pour que les jeunes savent d'avance où il va y avoir une organisation, où il va y avoir une équipe. Parlons maintenant d'Antoine Chain. Il a été sélectionné pour participer au championnat du monde de vélo sur route U23 hommes et élite hommes qui aura lieu au Qatar du 9 au 16 octobre prochain. Pour Antoine Chain, cette sélection s'ajoute à un été bien rempli où il a participé également au Tour de France et aux Jeux olympiques de Rio. Et le club de patins de Saint-Félicien désire informer la population qu'il y reste encore de la place pour son école de patins qui a lieu tous les samedis de 15h à 16h et le dimanche de 8h à 9h. Il en coûte 150 $ pour s'inscrire. Au niveau régional, ça coûte 210 $ et au niveau interrégional, 285 $. Donc, si ça vous intéresse, contactez Mélanie Bouliane au 613-0643 ou 418-613-0643 ou Jimmy Dufault au 679-4431. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Évidemment, on revient sur l'entrevue que j'ai réalisée avec Marcel Maltais hier. On parle également de jeux vidéo hier avec René Cadieux qui donne son appréciation sur le jeu NHL 2017. Et également, vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.